si belle que je me suis béni. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. La rose fut encore à planter et que ma douce amie fut encore à m'aimer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.